comte Jean de Pontevès de Sabran, l'Inde à fond de train. Premier chapitre. Veni, vidi, scripsi, ut, potui. Adieu Marseille, ma lune de miel avec Amphitrite, Naples et la Méditerranée. Un coin de terre des pharaons. Port Saïd, la mer Rouge, Périm, Aden, la ville noire, les danseuses et les citernes. L'océan Indien, l'archipel des Maldives, arrivé à Ceylan. Marseille, quai de la Joliette. 17 février 1884. Le désir de changer d'air et d'éperonner un peu la machine ronde est cause que le dimanche 17 février 1884, à 10h du matin, je monte à bord du Natal en partance pour l'Indochine avec mon camarade et ami, le capitaine de Bélier. Note, Natal, paquebot de la Compagnie des messageries maritimes. 131 mètres de long sur 12,07 mètres de large et 10 mètres de creux. Jaugeage 3629 tonneaux. Machine 600 chevaux. État-major 12 officiers, y compris les mécaniciens. Équipage 136 hommes. Capitaine Monsieur Didier, lieutenant de vaisseau. Fin de note. Sur le pont nous attendent nombre de parents et d'intimes venus pour assister à notre départ. Nous échangeons force poignées de main au travers d'un véritable déferlement de gens affairés de toutes manières, de porteurs de colis de toutes sortes et de curieux de toutes provenances. Mais bientôt la cloche du bord, maniée dextrement par un célestial au sexe incertain, apaise tout ce mouvement en chassant hors de notre arche ceux qui n'ont pas le droit ou le devoir d'y habiter. À 11h, enfin, notre colosse hurle et glisse entre ces deux accotements de pontons couverts d'une multitude amie agitant en signe d'adieu mouchoirs et chapeaux et, pendant que tout autour de nous, la brise de mer secoue les pavillons bigarrés des navires devant lesquels nous défilons majestueusement. À notre gauche, Marseille, dans sa poudre d'or matinale, fredonne mille refrains joyeux sur ses carillons du dimanche, et dans les airs, droit devant nous, la Vierge de la Garde brille resplendissante. Comme nous doublons le môle de la jetée, une dernière envolée de mouchoirs nous accueille. Nous ripostons énergiquement. Le Natal met le cap au sud-est. Ma lune de miel avec Amphitrite est commencée. Sera-ce bien une lune de miel? Après avoir dépassé l'île de mer, la mer devient forte, le vent fraîchit, puis devient glacial. Mon cœur est hésitant. Nous passons entre les îles d'hier et la côte. Toulon se devine à l'ombre du faro, la terre s'évanouit. Au revoir, plaisant pays de France. La mer augmente encore à la tombée de la nuit. Le Natal remue fort. Je remue plus que lui. Mon cœur se cramponne à moi, qui me cramponne où je peux. Les grandes manœuvres de l'estomac battent leur plein. Je me traîne misérablement dans ma cabine. Hélas, ma lune de miel n'est qu'une lune rousse. 18 février. Au matin, je monte sur le pont où je trouve mon ami fraisé dispo. Je n'en dirai pas autant de moi-même. Pendant la nuit, nous avons doublé le Cap Corse et nous rasons présentement la côte sud de l'île d'Elbe. Croire que l'aigle qui avait plané sur le monde consentirait à se poser pour toujours sur ce rocher situé à quelques coups d'aile seulement de son empire était une bien grande naïveté de la part des Anglais. Nous laissons à notre droite Pianosa, le Nouméa italien, puis un îlot rocailleux qui doit un fameux cierge à Alexandre Dumas. Note, l'île de Monte Cristo. Fin de note. La mer redevient forte. Je suis la progression inverse. Vers 5h, la côte de l'Italie apparaît à notre gauche et nous protège un peu contre le vent. À la nuit, la Tyrrhénienne se met tout à fait en colère. Dies irae, dies illa. 19 février. À 5h du matin, nous sommes en rade de Naples. nos préparatifs pour descendre à terre sont promptement faits. Le thermomètre marque plus 2 degrés. Sur Naples, encore endormi, plane comme un duvet de vapeur laiteuse qui lui donne un air maladif. Mais bientôt le soleil, se levant entre les deux sommets du Vésuve, inonde de ses rayons le panorama qui devient transparent, puis rose. Je n'ai pas la prétention de faire ici une description de Naples. J'arriverai un peu en retard pour cela. Cependant, je dois donner mon impression puisque j'écris un journal. Donc, je dirai que la célèbre Parthénope m'apparaît comme un grandiose surtout de table, en forme d'éventail, dressé sur une nappe de damas bleu pan à reflets mauve. Admettons que du côté de l'Orient, le Vésuve soit un gigantesque samovar, et ma description est terminée. Un sale bateau monté par de sales gens nous dépose bientôt au débarcadère où nous attend une cohue de marchandes de fleurs et de cicérones. Comme nous tenons à utiliser les 3 heures que nous devons passer à terre, le plus obstiné de ces derniers a bientôt raison de nous. Cet Alfonso breveté nous pousse dans un landau attelé de 2 rosses bardées de harnais, ruisselant de cuivre, de mauvais goût, mais supérieurement astiqué et fouette cochée à travers la ville. Mon impression première est qu'à part les monsignors, les abbés, les militaires et les chevaux de place, tout est sale et mal entretenu à Naples. Nous croisons à chaque pas des prêtres, ou plutôt des gens revêtus de soutanes, marchant le nez au vent, des monsignors de 12 à 15 ans, à l'œil éveillé, et des religieux bien différents comme tenue de ceux de France. De quelque côté qu'on se retourne, on tombe sur une église ou sur une chapelle. On en construit de nouvelles à 2 pas des vieilles, non réparées. C'est à croire que chaque habitant a la sienne ou l'aura. Quant aux reliquaires et aux statues de saints et de saintes, leur nombre est incommensurable. Maintenant, si vous me demandez comment il se fait que, malgré cette rosée sanctifiante et cette pluie de bénédictions, les Napolitains soient eux-mêmes si peu saints, je vous répondrai que le Dieu des chrétiens n'aime vraisemblablement pas les idolâtres. En résumé, Naples est un Saumur ecclésiastique où Dieu est encore plus mal servi que partout ailleurs. Et qu'on ne m'accuse pas d'attaquer la religion en formulant cette critique. L'habit ne fait pas le moine, heureusement. Au milieu de ce capharnaüm, aussi coloré que malfleurant, le plus incohérent des peuples bâille, mendie, se signe, se pommade, se confesse, chante, fa el far niente, chasse à la vermine et vit de superstition, de macaroni et de chou-fleur, sans jamais se laver. Néanmoins, on retrouve chez le Napolitain, tout dégénéré qu'il est, quelques traces de ses ascendants. Ainsi les charretiers, en haillons tapageurs, conduisant debout leurs très riches de mules, couvertes d'ornements dorés, font de loin, l'imagination aidant, l'effet d'empereur romain, archidéchu, allant au mont de piété, engager leur dernière clamide. Disons en passant que la chapelle du prince San Severo est un vrai chef-d'œuvre, bondé d'autres chefs-d'œuvre. Le Christ ossuaire et les statues du prince et de la princesse sont les pièces capitales de cet oratoire musée. Mais quelle rue il faut affronter pour atteindre ces merveilles, et quelles odeurs il faut renifler. L'aquarium et la chiaggia ont été décrits 100 fois. Je me borne à dire qu'ils sont à hauteur de leur réputation. La cathédrale renferme des curiosités remarquables, entre autres les reliques de Saint Janvier. Mais les prêtres y confessent en plein air, en dévisageant les visiteurs, les sacristains nous tendent la main, sans pudeur et sans merci, devant chaque objet d'art ou de dévotion, et notre cicérone ne cesse de nous répéter « Gare à vos poches !» Nous remarquons, tout en regagnant le quai, que presque tous les chevaux sont conduits à l'aide d'un caveçon, ce qui leur permet, grâce à ce point d'appui, de trotter relativement vite sur les dalles incisées formant le pavage de la ville. À 11h, nous rallions notre natale, dont les flancs sont entourés d'une flottille de bateaux chargés d'indigènes des deux sexes. Les uns, aussi mal propres que peu vêtus, plongent et replongent dans l'onde glacée pour attraper les pièces blanches, voire même les sous qu'on leur jette par pitié. Pendant ce temps, les autres serinent impitoyablement des barcaroles de la plus pure couleur locale avec accompagnement d'instruments de réforme. Au milieu de ce charivari, trois petites sœurs des pauvres montent à bord pour quêter. Enfin, nous pourrons dire que nous avons rencontré à Naples trois visages sympathiques et désintéressés. Nous laissons à droite Procida, Ischia et le cap Misène, à notre gauche Torre del Greco, le port militaire de Castellammare, Sorrento, puis le cap Campanella. Virgile, forever. Comme nous longeons l'île de Capri, on m'y fait remarquer une énorme roche percée à jour en son centre. Encore une cruauté de Tibère, peut-être. Bientôt, en arrière de nous, la silhouette empanachée du Vésuve s'atténue insensiblement. Et Naples, la belle, devient une grisaille. Puis, le vent fraîchissant, nous mettons de la toile. Salerne nous apparaît au loin. Enfin, la côte d'Italie s'efface et finit par disparaître. Je fais de même. Il était temps. 20 février. Pendant la nuit, nous traversons le détroit de Messine. Le Natal, pour ne pas faire mentir sa réputation de bon marcheur, file ses 14 nœuds. Nous sommes emportés, vent arrière, et balancés par un tangage largement rythmé qui me donne l'illusion que le lit où je me suis réfugié marche plus vite que moi. J'ai beau faire des efforts désespérés pour le suivre. Hélas, mon lit n'est pas seul à m'échapper. À 8h, je me hisse sur le pont. La mère Dionie a sans doute pitié de moi et se calme. Le soleil bassine l'atmosphère qui devient tiède. Tout va bien. À midi, le point affiché marque latitude nord 37 degrés 12 minutes, longitude est 15 degrés 25 minutes. Nous sommes à 806 milles de Port Saïd. Note, le mille vaut 1852 mètres. Fin de note. Vers minuit, je suis réveillée par un raclement formidable. Je cherche à comprendre ce qui se passe. Comme pour arriver à ce résultat, il faut bouger, je préfère me réassoupir, ignorant et résigné. 21 février. On m'explique au matin que la machine ayant subi une forte avarie, nous avons dû rester 4 heures immobiles. Le mot « immobile » me semble exagéré. On me raconte en même temps que quelques passagers, croyant leur dernière heure venue, se sont précipités sur le pont en déshabillés galants, mais les reins sanglés de leur ceinture de sauvetage. Illi robur et est triplex, circa pectus erat. Vers 8h, nous laissons à notre gauche la Grèce, dont les montagnes nous apparaissent couvertes de neige. Le vent mugit, la mer ionienne en revient à ses premières amours. À 3h, nous sommes par le travers d'un monumental plat d'œuf à la neige. C'est la Crète. Salut, ô mont Ida! À la nuit, la mer est démontée. Une vague inonde l'entrepont où je me suis réfugié pour écrire mon journal. Je n'attends pas la seconde. Tout tourne, tourne, tourne. 22 février. Tout continue à tourner. 23 février. À 5h du matin, le Natal stoppe. Je monte sur le pont. Nous sommes en vue de Port Saïd, attendant un pilote. Devant nous, deux immenses brise-lames formées d'énormes blocs de béton servent d'anciennes protectrices à l'entrée du canal. Au loin, la terre d'Égypte apparaît comme un passepoil jaunâtre au manteau bleu de l'horizon. Bientôt, le pilote monte à bord. Nous nous remettons en marche. Port Saïd surgit tout à coup à nos yeux et à 7 heures, nous stoppons de nouveau vis-à-vis des bureaux des messageries. Pendant qu'une cohue de diables noirs emplit de charbon le ventre de notre colosse, nous descendons à terre. Ici nous quitte un jeune Anglais charmant, Lord Early, officier au 10e Hussard. Ce gentleman rallie son régiment actuellement à Suakim. Il est tout feu, tout flamme, ce que nous comprenons bien. « Pourvu qu'on ne se batte pas sans moi !» répète-t-il à chaque instant. C'est de grand cœur que nous lui souhaitons bonne chance. Note, Lord Early a reçu au combat d'Abu Cléa 2 blessures non mortelles, heureusement. Fin de note. Port Saïd se compose d'un groupe important de maisons européennes orientalisées. C'est la ville blanche et d'un ramassis de cases orientales alignées à l'européenne. C'est la ville noire. Le mercantilisme enlève malheureusement à cette triste ville, bâtie sur un banc de sable séparant le lac Menzalé de la mer, presque tout son cachet oriental. Dans la ville blanche, l'Eldorado et le casino sont le clou de la situation. Chacun de ces établissements possède un orchestre de femmes allemandes et valaques et une roulette. Dès qu'un navire est signalé, deux coups de grosse caisse donnés par la vierge de garde avertissent les amazones mélomanes de l'arrivée d'amateurs. Toutes se rendent immédiatement à leur poste. Elles attaquent, impassibles, ouverture, valse et polka, quêtent fièrement après chaque morceau, absorbent avec dignité autant de bocs qu'on veut bien leur en offrir, mais ne consentent jamais à sortir de ce programme. Au bout d'un certain nombre d'années, quand ces demoiselles ont ramassé honnêtement une dot dans ce milieu malhonnête, elles regagnent leur patrie, épousent celui pour l'amour duquel elles ont fait toute cette musique et ont, dit-on, beaucoup d'enfants. Quant à la roulette, pour n'y pas perdre, il est indispensable de ne jouer qu'avec des pièces fausses. D'ailleurs, toutes les monnaies de l'univers ont cours dans cet établissement où la tolérance monétaire ne connaît pas de bornes. Les boutiques de Port Saïd renferment les marchandises et les objets les plus variés et les plus disparates. Un boucher vend aussi bien des plumes d'autruche que des queues de veau et un marchand de chapelet de Jérusalem joint également à son pieux commerce la vente de photographies d'une obscénité peu commune. Les cabanes de la ville noire sont peuplées de pouilleux, de pouilleuses et de petits pouilleux. Nous croisons des Soudanaises luisantes portant leur enfant nu à cheval sur une épaule, des femmes fellahs drapées de bleu et progressant comme des déesses. Des juives capitonnées et dodelinantes de partout et pêle-mêle un grouillis de mâles et de femelles de toutes les couleurs et de toutes les odeurs, conservant sous leur haillon une dignité qui semblerait une farce si on ne se savait en Orient. Dans une mosquée, percée à jour, de fidèles croyants lutte d'attitudes excentriques pour qu'Allah accueille favorablement leurs prières. Quelques autres, assis en cercle, font sans colère la guerre à leurs parasites inamovibles et semblent éprouver quelque soulagement à échanger entre eux leurs infimes tortionnaires. Les petits cadeaux entretiennent l'amitié. Plus loin, d'horribles mégères couleur de suie cherchent par des contorsions des grimaces et des attitudes intraduisibles à nous attirer dans les bauges où elles exercent leur triste métier. Nous courons encore. Sur le quai, je remarque 15 Arabes attelés à une charrette que deux hommes suffiraient à traîner. Encore le véhicule n'avance-t-il pas? Chacun des 15 compte sur son voisin et réciproquement. Quel fainéant! L'oriental a surpassé la tortue de la fable. Elle, au moins, se hâtait lentement. après une visite au maigre square Lesseps, nous remontons à bord. Vers midi, nous entrons dans le canal qui déroule tristement devant nous entre deux rives désolées, son bleuâtre ruban. À notre droite, les eaux jaunes du lac Menzale sont constellées d'oiseaux aquatiques. Cigognes, canards, pélicans, flamands, ibis, gros martins pêcheurs, etc., etc., se sont donnés là rendez-vous. Tout ce monde ailé pêche, volette, s'épluche, se chamaille et nous fait passer le temps. À propos de phénicoptères, Chateaubriand a dit, je ne sais où, qu'au vol, un flamand ressemble à une flèche empennée. Cette comparaison est tout à fait exacte. Le froid est très vif, il pleut de la neige fondue. Ce n'est cependant qu'un grain, car bientôt le soleil reparaît. Vers 7 heures, nous amarrons un peu au sud de la gare d'Alcantara pour passer la nuit qui arrive rapidement. L'Occident est safran, des nuées d'oiseaux passent et repassent au-dessus de nos têtes, un chacal longe sournoisement la berge du canal et sa silhouette, se détachant en noir sur le ciel orange, me fait penser malgré moi aux poteries égyptiennes que j'ai vues au Louvre. Je m'endors sur cette vision 41 fois séculaire. 24 février. On nous réveille à 7 heures pour nous prévenir qu'il y a messe à bord. Dans le salon du Gaillard d'arrière, sur un hôtel primitif recouvert du pavillon national, M. de Courmont, évêque de Zanzibar, assisté de 3 missionnaires, dit, avec infiniment de dignité, une messe plus imposante par sa simplicité que les cérémonies les plus solennelles. Pas d'orgue, pas de chant, seul le brutal trémolo de l'hélice accompagnant des prières à peine entendues. Voilà une messe qui ne m'a pas paru longue. À 9 heures, nous traverserons le lac Timsa où nous trouverons garé le djemma portant les malles de Chine. Quelques dépêches et les saluts réglementaires échangés, nous continuons notre route. À droite, nous apercevons Ismaïlia qui, honteux de sa décadence, se cache dans le sable. Le jardin Champollion agite en vain sa pauvre chevelure d'arbre phtisique pour nous faire croire que la terre des pharaons n'est pas absolument réfractaire à toute végétation. Personnellement, j'en doute. On me fait remarquer le palais du vice-roi, tombant en ruine, et un élégant bâtiment à demi enseveli sous les sables. C'est là que la plus belle des impératrices a reçu les hommages du monde entier. Que reste-t-il de ce féerique passé? Ici, une ruine, là-bas, une martyre. Dieu seul est grand, mes frères. Nous continuons doucement notre marche réglementaire. 5 nœuds à l'heure. Le soleil nous fait une courte risette pour nous permettre d'observer de curieux effets de mirage. Et à 3 heures, nous entrons dans les lacs amers, vraie mer intérieure, reconstituée par le génie de Monsieur de Lesseps. Le natal augmente bientôt sa vitesse et la porte à 14 nœuds. À ce moment, l'eau est émeraude, le ciel lilas et le désert jaune d'ocre. À 5h30, nous rentrons dans le canal qu'un vol de cigognes et de grues semble nous abandonner tandis que sur la rive africaine, un chacal étique et 3 chameaux calleux nous regardent passer avec une suprême indifférence. Dans le lointain, Ismaïlia nous apparaît tout rose. Bientôt, nous sommes en vue de la dernière gare précédant Suez. Elle est libre. Tout le monde est content, car nous avons ainsi la certitude de sortir du canal avant la nuit. Le chef de gare m'a l'air rogue, sous son casque blanc. J'en fais la remarque à un voisin qui me raconte à peu près ce que je vais vous narrer. Tout est loin d'être rose, en général, dans le service du canal. Chacun sait ça. Quant au service spécial des gares, c'est encore pire. La surveillance devant être constante, 2 employés sont indispensables à chaque station. L'un veille pendant que l'autre se repose. Or, ces deux employés sont ou tous les deux mariés, ou tous les deux garçons, ou bien l'un est marié et l'autre est garçon. Dans le premier cas, les deux femmes, sous l'influence de ce climat énervant, s'effarouchent le chignon à tout propos. Dans le second cas, les deux collègues, promptement aigris par le jeûne ou l'abstinence, ne peuvent plus se voir sans s'injurier. Et dans le dernier cas, l'employé garçon fait nécessairement une cour à mort à la femme de son camarade quand celui-ci est de service. D'où conflit permanent. J'ignore à quelle catégorie appartient le chef de gare dont j'ai remarqué la nervosité, mais si un de mes lecteurs trouve une solution à ce dilemme en trois propositions, j'en ferai part à la compagnie du canal. Vers 6h30, nous sortons du canal et nous prenons possession de la mer Rouge. Hurrah for lesseps! Pendant que je cherche à distinguer Suez dans la pénombre, l'horizon qui était rouge prend pendant 3 minutes une teinte verte, puis redevient rouge. C'est un phénomène connu par les marins sous le nom de rayon vert. Je laisse aux érudits le soin d'en donner l'explication scientifique. Après un arrêt de 3 heures, employé à débarquer les voyageurs et les marchandises arrivées à destination, nous fendons les flots que les Hébreux traversèrent sans même humecter la plante de leurs pieds plats. Nous sommes moins heureux qu'eux, car cette mer célèbre nous accueille par un grain où la grêle le dispute à la neige fondue. Les grêlons, faisant même office de ramoneurs dans les deux cheminées du Natal, nous inondent de suie. Donc, la mer Rouge est pour nous la mer Noire. 25 février. Je me lève à 7h. La mer Rouge est bleue de Prusse. Quelqu'un m'affirme que les côtes granitiques que j'aperçois ont une teinte d'ocre et que, de l'ocre au rouge, il n'y a qu'un pas. Un géographe atteint de daltonisme suraigu, d'hystérie pourprée ou mieux d'un saignement de nez colossal a seul pu donner un nom semblable à cette mer qui fait tout ce qu'elle peut pour démériter son nom. Tel est mon avis. En tous les cas, les soldats des pharaons n'y ont vu que du bleu, comme moi. Le passage de la mer Rouge s'étant effectué vraisemblablement au Laxamer. À notre gauche, une chaîne de montagnes arides et volcaniques court le long de la côte sablonneuse. Son point culminant est le mont Sinaï, d'hébraïque mémoire. Nous dépassons bientôt le cap Mohammed, puis la côte désolée de l'Arabie s'évanouit. À midi, la chaleur commence à se faire fortement sentir. On double les tentes du pont. Quelques voyageurs exhibent des lunettes bleues et des casques préservateurs. Vers 6h, le soleil se couche superbe et nous aveugle de ses rayons qu'il va retremper à notre intention. Vénus le remplace avantageusement. Elle est tellement belle, tellement brillante, tellement pleine que c'est à croire qu'elle est dans un état intéressant. 26 février. Au réveil, il fait déjà très chaud. Phébus a tenu sa promesse. J'ai mis ma mauresque pour le recevoir. À 9h35, nous passons, sans douleur, le tropique du Cancer. Dans l'après-midi, on ajoute des rideaux aux tentes et on ajuste les punkas. Note, sorte de grands éventails fixés au plafond et agités par des serviteurs spéciaux. Fin de note. Comme les sujets de distraction deviennent de plus en plus rares, nous instituons, entre passagers, une poule quotidienne à 1 franc. Celui dont le numéro tiré au sort correspond au point affiché à midi par ordre du capitaine et le gagnant. Étant donné ma veine habituelle, je suis déjà fixé sur le nombre de fois que j'encaisserai la poulette. 27 février. La température s'échauffe de plus en plus. Les punkas deviennent indispensables. Nos Chinois font merveille. À la nuit, la mer devient phosphorescente. le natal semble froisser une nappe de satin vert, moirée d'argent, de nacre et de feu, en laissant derrière lui comme une immense voie lactée de diamants. C'est féerique. 28 février, vers 8h, nous laissons à notre droite les îles Zoukour et à notre gauche les îles Abu Eil, en partie formées de guano. Deux vapeurs échouées sur les récifs de Zoukour nous prouvent par l'évidence qu'on a raison de considérer ce passage comme dangereux. Dans la journée, nous voyons un gros requin à quelques mètres du bord. Sa nageoire dorsale émerge seule, mais nous distinguons parfaitement son corps à fleur d'eau. À 4h, nous sommes à hauteur de l'île de Périm que nous laissons à tribord. Cette loge du portier, consigne de la mer Rouge, ressemble à un gros turbot pétrifié. Je ne puis pas m'empêcher de plaindre la malheureuse garnison de ce fortin perdu auquel trois grands paquebots éventrés semblent faire une garde d'honneur avec les tronçons de leurs mâts. Au moment où nous doublons les rochers déchiquetés et chauves du cap Périm, le Melbourne, courrier d'Australie de la Compagnie des messageries maritimes, frère jumeau du Natal, nous croise à portée de parole. Les bordages des deux frères se couvrent instantanément de mouchoirs. On dirait d'une double envolée de colombes. Adieu va. Abandonnant enfin le détroit de Bab el-Mandeb, nous débouchons dans le golfe d'Aden, où nous sommes accueillis à grands coups de lame, et pendant que le soleil descend vers l'horizon, en irisant de chrome le ciel, sous l'œillade assassine de Vénus, la nouvelle lune, toute palote, fait les cornes à celle-ci, et la croix du sud, resplendissante, prend possession du firmament. Pendant la nuit, grâce à la complicité de mon sabord, une vague éhontée vient partager ma couche. Nouveau Joseph, je lui abandonne carrément ma chemise, mais je conserve une forte dent à mon sabord. Fin de la première partie de l'Inde à fond de train.